s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 2. Un effondrement monétaire rendu inévitable. Le 23 mars 2020 à 20h30, Boris Johnson, alors Premier ministre britannique, annonçait un ordre de confinement avec effet immédiat, qui fut appuyé par une mesure législative 3 jours plus tard. L'objectif déclaré était d'aplatir la courbe du taux d'infection. Il lançait le slogan « Restez chez vous, protégez le NHS, sauvez des vies » et déclarait que ce confinement obligatoire serait réexaminé toutes les 3 semaines. Le National Health Service est le service national de santé publique britannique. Cette mesure sans précédent surprit l'opinion publique. Mais une semaine plus tôt, le 17 mars, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, écrivait au chancelier Rishi Sunak pour lui présenter une mesure tout aussi inédite. Celle-ci consistait à verser directement des dizaines de milliards de livres sterling aux grandes entreprises. Je cite « Le nouveau mécanisme de financement des entreprises liées au Covid-19 fournira des fonds aux entreprises en achetant des billets de trésorerie avec un terme maximal d'un an, émis par des sociétés qui contribuent de manière significative à l'économie britannique. Il aidera les entreprises d'un large éventail de secteurs à surmonter les perturbations économiques susceptibles d'être associées au Covid-19, en les aidant à payer leurs salaires, leurs loyers et leurs fournisseurs, même lorsque les flux de trésorerie sont gravement perturbés. La banque appliquera ce mécanisme pour le compte du Trésor et le mettra en place dès que possible. » Fin de citation. Au moment où les gouverneurs écrivaient ces lignes, l'activité économique était encore normale. Même s'il avait fallu une semaine au Premier ministre pour décider d'un confinement, le message officiel à l'époque était qu'un tel confinement ne durerait que quelques semaines. Et s'il était raisonnable de s'attendre à des perturbations économiques de faible ampleur à la suite d'un confinement de courte durée, rien n'indiquait que les marchés financiers privés ne pourraient y faire face. Le gouverneur était-il devin ? Si c'était le cas, il aurait fallu qu'il ait anticipé ces événements plusieurs mois à l'avance, car il faut un certain temps pour mettre en place des mécanismes de financement entièrement nouveaux. Cependant, malgré toute sa clairvoyance, il n'a pas été jusqu'à prédire comment les entreprises bénéficiant de ces largesses utiliseraient les fonds. En l'espace de quelques mois, environ 39 des participants au CCFF mettaient en place des plans de licenciement à grande échelle, soit plus de 34 000 emplois au Royaume-Uni. Bien entendu, tout et toute chef d'entreprise le sait. Ce n'est pas parce que l'on peut emprunter de l'argent à bon compte que l'on va le dépenser pour payer les salaires d'un personnel dont on n'a pas besoin lorsque disparaissent clients et revenus. Franchement, la lettre du gouverneur ne convaincrait que les personnes les plus crédules et dépourvues du moindre sens des affaires. Pourtant, les médias ont consciencieusement gobé ces explications illogiques et ont publié des articles louant la réponse si judicieuse de la Banque d'Angleterre à la crise. Mais si la banque ne donnait pas réellement de l'argent aux entreprises pour les aider à payer les salaires, que faisait-elle vraiment? Pour commencer à répondre à cette question, il nous faut comprendre comment les systèmes monétaires fonctionnent aujourd'hui. En particulier, il faut saisir qu'ils ne font pas que précipiter l'effondrement des systèmes naturels et humains, mais aussi que selon certaines hauts et hautes fonctionnaires, ces systèmes monétaires sont eux-mêmes au bord de l'effondrement. Dans ce chapitre, j'expliquerai certains aspects clés de ces systèmes et je montrerai que ce n'est pas la pandémie, mais bien des luttes de pouvoir géopolitiques qui sont à l'origine des récentes politiques monétaires. Par ailleurs, étant donné que de nombreuses hauts et hautes fonctionnaires savent que le système monétaire actuel doit s'effondrer à un moment donné, nous verrons qu'il est rationnel pour elles et eux de prévoir cet effondrement, ou une transition brutale occasionnant des pertes bancaires, avec un coup d'avance. J'ai choisi de dédier un chapitre complet de ce livre à ce système monétaire en voie d'effondrement en étant bien conscient que ce sujet semble à la fois impénétrable et rébarbatif pour de nombreuses lecteurs-lectrices. L'opacité de ce système et la réticence du grand public à s'intéresser au sujet réduisent la possibilité que l'opinion publique ou les interventions politiques pèsent dans les affaires de politique monétaire. Pour y remédier, je continue d'inclure les questions monétaires dans mes analyses et mes recommandations. Chapitres 10, 12 et 13. Si j'ai réussi à surmonter ma propre aversion envers le langage compliqué et ennuyeux de l'économie monétaire, c'est par désir de comprendre les mécanismes de pouvoir sous-jacents. Cela a commencé en 2006, alors que j'étais cadre supérieur d'une équipe travaillant sur la gouvernance économique au sein du WWF. Le World Wide Fund for Nature, c'est-à-dire l'une des plus importantes ONG de protection de l'environnement. Un jour, au travail, mon patron Robert Napier m'a croisé dans le couloir et m'a dit « Jette un coup d'œil à la façon dont le Mann Group gagne de l'argent. C'est complètement dingue. » C'est ainsi que j'ai entamé un voyage intellectuel qui m'a amené à découvrir comment les fonds spéculatifs, comme le Mann Group, obtenaient des rendements scandaleux, puis à me pencher plus en détail sur la structure du système monétaire. J'ai commencé à comprendre que la nature du système bancaire et la façon dont l'argent est créé influencent notre expérience du monde économique et de la société. Ce travail a fait de moi un critique virulent et un partisan d'approches alternatives. Par exemple, lors de ma conférence TEDx en 2011, j'ai souligné que les innovations monétaires comme le Bitcoin étaient en train de décoller, et j'ai appelé les communautés et les gouvernements locaux à créer leur propre monnaie avant que Facebook ne le fasse à leur place. Le sujet était devenu mon obsession. Au mois de janvier suivant, je me suis levée en séance plénière à Davos lors du Forum économique mondial et j'ai demandé au PDG de Google s'il allait lancer une monnaie mondiale. Je voulais comprendre si le monde de la tech et celui de la banque resteraient séparés ou s'ils allaient s'engager dans une course pour contrôler l'avenir de l'argent. Je me suis intéressée aux théories monétaires hétérodoxes. J'ai échangé avec des ingénieurs en informatique libertaire et je me suis entretenue avec des participants-participantes à des événements de haut niveau, tels que ceux du Forum économique mondial et des Nations unies. Ce que j'ai appris m'a fourni un cadre me permettant d'analyser ce qui s'est passé ces dernières années en matière de politique monétaire. Pour de nombreuses personnes travaillant dans des banques privées avec lesquelles j'ai discuté, les systèmes monétaires actuels ne dureront pas. Elles savent que l'ère de l'hégémonie du dollar états-unien touche à sa fin, car les achats de pétrole deviendront beaucoup moins importants pour les économies nationales dans les années à venir. Certaines d'entre elles, moins nombreuses, connaissent également les limites environnementales et les contradictions économiques de nos systèmes monétaires expansionnistes. Elles anticipent donc un effondrement et veulent permettre à leur pays, à leurs institutions et à leurs élites de conserver leur pouvoir dans le cadre des accords monétaires qui pourraient prendre le relais. Pour comprendre cette situation, il faut saisir comment fonctionne le système monétaire actuel, pourquoi il est source d'instabilité pour l'humanité comme pour la biosphère, pourquoi il commence à atteindre ses limites et quelles sont les alternatives envisageables. Si vous connaissez ce secteur, vous conviendrez sans doute qu'il est peu probable que le système monétaire s'effondrera de manière aléatoire. Cet effondrement risque plutôt d'être déclenché lorsqu'une coalition d'entreprises et d'intérêts bancaires, tant publics que privés, déterminera qu'elle est prête à tirer profit de cette transformation. Dans ce chapitre, je soutiens que la connaissance qu'ont les hauts fonctionnaires de l'effondrement imminent des systèmes monétaires peut parfaitement expliquer le phénomène suivant. Alors qu'il y a quelques années, ils et elles concentraient leurs efforts sur la gestion de l'inflation, leur priorité, sous prétexte de pandémie, est devenue le soutien aux plus grandes entreprises basées dans leur pays, dans une course néocoloniale à l'acquisition d'actifs dans le monde entier. Pourquoi la croissance est devenue notre religion. À Davos, Je pensais, peut-être naïvement, que j'avais accès aux véritables détenteurs, détentrices du pouvoir de ce monde. Et je ne me suis jamais senti à l'aise au milieu de ce que Boris Johnson a décrit comme une constellation d'égos lancée dans des orgies massives d'adulation mutuelle. Quelques tequilas à la McKinsey Party m'ont aidé à atténuer la gêne que j'avais à côtoyer ces gens, qu'on me décrivait souvent comme des personnes vraiment gentilles et accessibles malgré tout. C'est dire si les personnes normales plaçaient la barre haut vis-à-vis des milliardaires, stars de cinéma, PDG et autres despotes. J'ai compris que la réponse appropriée était d'afficher un sourire étonné et de dire « c'est génial ». Je pensais qu'il était important que quelqu'un comme moi participe et essaie de promouvoir des idées alternatives. Quelques années plus tard, je sais maintenant que je n'étais qu'un militant crédule parmi des centaines d'autres se disant « je suis différent des autres et je vais tout changer ». Un faux sourire aux lèvres face aux âneries désolantes proférées par une intervenante après l'autre et se demandant à quelle fête se rendre ensuite. En tout cas, les années que j'ai passées à assister au sommet de Davos en tant que jeune leader mondial m'ont ouvert les yeux sur la réalité du pouvoir à l'échelle planétaire. C'est un vrai bazar. La plupart des personnes que j'ai rencontrées et qui jouaient un rôle important semblaient incapables d'agir de manière compétente et responsable et dans l'intérêt collectif. Pire encore, toute tentative invitant ces gens à penser un peu plus loin que leur organisation ou leur ego semblait destinée à faire empirer les choses. Lors d'une session où j'étais assis en cercle avec des entrepreneurs, entrepreneuses milliardaires de la tech et de futurs PDG de banques internationales, on nous a distribué des cartes pour lancer la discussion. Voici la question qui nous était posée. Que puis-je faire cette année pour favoriser la croissance économique? Cette question nous fut expliquée avec révérence, comme si on nous demandait « Que puis-je faire cette année pour aider plus de gens à trouver Jésus-Christ ?» J'ai contemplé la carte, moi, ce païen dont le cœur battait la chamade. La croissance économique est devenue notre religion. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'humanité est si profondément foutue, pour employer un langage un peu coloré. Un résumé rapide des principes de base peut s'avérer utile. Le produit intérieur brut, PIB, mesure la production totale de tous les biens et services dans un pays. Et le produit national brut, PNB, mesure le PIB plus les revenus des investissements étrangers. Il y a croissance économique si le PIB augmente, après ajustement des chiffres pour tenir compte de l'inflation. Les politiciens et politiciennes nous disent que cette croissance est importante pour nous toutes et tous, parce qu'elle reflète une amélioration de notre niveau de vie, de fait que nous avons accès à davantage de biens et de services, parce qu'elle reflète également un marché de l'emploi en plein essor, et parce que la croissance entraîne une augmentation des recettes fiscales, ce qui permet au gouvernement de fournir de meilleurs services publics, qu'il s'agisse d'infrastructures, de santé ou d'éducation. Cependant, bien des hommes et des femmes politiques se sont montrés moins enthousiastes à propos de la croissance du PIB. En 1968, quelques mois avant d'être assassiné, Robert F. Kennedy, candidat à l'élection présidentielle états-unienne, tenait les propos suivants. Notre produit national brut prend en compte dans ses calculs la pollution de l'air, la publicité pour le tabac et les trajets des ambulances qui viennent au secours des blessés sur nos routes. Il comptabilise les serrures spéciales que nous installons pour protéger nos habitations et le coût des prisons où nous enfermons les gens qui réussissent à les forcer. Il intègre la destruction de nos forêts de séquoia, ainsi que le remplacement de ces merveilles naturelles par un étalement urbain chaotique. Mais il ne tient pas compte de la santé de nos enfants, de la qualité de leur instruction, ni de la gaieté de leurs jeux. Il ne mesure pas la beauté de notre poésie ou la solidité de nos mariages. Il ne songe pas à évaluer la qualité de nos débats politiques ou l'intégrité de nos représentants. Il ne prend pas en considération notre courage, notre sagesse ou notre culture. Il ne dit rien de notre sens de la compassion ou de notre dévouement à notre pays. En un mot, il mesure tout, sauf ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Et il peut tout nous dire sur l'Amérique, excepté pourquoi nous sommes fiers d'être Américains. Fin de citation. À l'époque où il prononçait ce discours, les critiques écologistes de la croissance économique se multipliaient en Occident. De plus en plus de personnes avaient réalisé que non seulement la croissance ignorait bien des choses qui ont une grande valeur intrinsèque, mais qu'elle en mesurait aussi beaucoup d'autres qui n'ont pas de valeur ou qui sont même destructrices. Il existait également une critique plus profonde, à savoir que la croissance ne pouvait tout simplement pas se poursuivre indéfiniment dans un monde où les ressources renouvelables, comme le bois des forêts, sont relativement limitées et où les ressources non renouvelables, comme le pétrole et le gaz, sont absolument limitées. De nombreux dégâts écologiques étaient déjà visibles à la fin des années 1960, et la croissance économique les aggravait à une vitesse effrayante. En effet, une croissance de 2% au cours d'une année donnée représente une augmentation plus importante de l'activité économique qu'une croissance de 2% au cours de l'année précédente, car elle part d'une base plus large. Imaginez une tache au centre d'une page qui représente l'emprise de la société de consommation industrielle sur les ressources existantes. Si cette emprise augmente à un rythme de 2% par an, la surface couverte par la tache s'accroît chaque année davantage. Cette augmentation vous paraîtrait lente, mais elle s'accélérerait petit à petit. Bientôt, elle remplirait toute la page. Puis elle déborderait et commencerait à remplir toute la pièce. Au bout d'un moment, il n'y aurait plus de place pour vous. C'est pourquoi on dit souvent que si un système économique exige une croissance infinie sur une planète aux ressources limitées, il s'effondrera inévitablement, tôt ou tard. Pendant des décennies, ces critiques ont été largement ignorées par les responsables politiques. Les choses ont changé en 2016, lorsque les gouvernements ont enfin entamé des discussions internationales sur les limites de la mesure du PIB en matière de progrès économique ou social. Même au Forum économique mondial, des discussions sérieuses ont eu lieu sur la nécessité de s'accorder sur de nouvelles mesures du progrès. Bien qu'il s'agisse d'un changement par rapport au fanatisme de la croissance que j'avais rencontré au sommet de Davos quelques années auparavant, il y avait quelque chose de complètement superficiel dans l'attention portée à ce sujet. La croissance économique restait l'objectif indétrônable des gouvernements nationaux, mais elle était associée désormais à d'autres mesures du bien-être ou de la qualité de l'environnement. Leur approche reposait sur un rejet des critiques fondamentales concernant l'impossibilité d'une croissance économique éternelle. Au lieu de cela, elle postulait que la croissance du PIB pouvait être considérablement découplée de la consommation des ressources et de la pollution. Cette théorie comporte de multiples facettes. Elle soutient qu'au niveau des produits individuels, on sera en mesure d'obtenir la même chose avec moins de ressources. Par exemple, qu'on pourra fabriquer une canette de bière ou une voiture en utilisant beaucoup moins de métal. Un autre aspect de la théorie est qu'on obtiendra la même fonctionnalité ou le même résultat sans utiliser la même quantité de ressources, parce qu'on passera à la consommation d'un service. Par exemple, plutôt que de posséder une voiture entière, on utilisera un véhicule partagé ou un bus. Cette théorie postule aussi que le secteur des services en général offre de nombreuses possibilités de croissance, tout en nécessitant moins de ressources que d'autres secteurs, tels que l'industrie manufacturière. Enfin, selon cette théorie, il existerait des opportunités de croissance dans les technologies et les produits connexes qui réduisent en fait la pollution provenant d'autres activités. De nos jours, ces arguments ont fait de la théorie du découplage la coqueluche du secteur de l'environnement. Elle offre la vision d'un avenir vert et radieux, contribuant à justifier que les efforts individuels effectués au sein des entreprises en valent la peine. Le seul petit problème de cette vision, c'est qu'elle est mensongère. Comme je l'ai mentionné au chapitre précédent, il n'y a guère de preuves qu'un découplage significatif puisse avoir lieu entre la croissance du PIB d'un côté et la consommation de ressources et la pollution de l'autre. Et encore moins que ce découplage sera suffisant pour faire face à la crise écologique. Dans le chapitre suivant, je présenterai plus en détail des travaux montrant l'absence de découplage entre le PIB et la demande d'énergie, absence qui relève l'ampleur du défi, même si des sources d'énergie renouvelable ne cessent d'être ajoutées au bouquet énergétique. C'est pourquoi de plus en plus de personnes dans le secteur de l'environnement reconnaissent que la vision verte et radieuse est en fait un mirage et font valoir que les pays les plus riches du monde doivent volontairement décroître. Ces dernières années, la croissance est devenue un sujet brûlant au sein des conférences universitaires. Les partisans-partisanes de ce courant espèrent toujours que cette année, quelle que soit l'année où vous lisez ces lignes, cette perspective se généralisera enfin et que la décroissance s'ancrera dans les politiques publiques. Ils et elles affirment qu'il suffirait d'une meilleure communication pour faire comprendre aux gens que la croissance économique n'est pas nécessaire. Lorsque je suis témoin de ces déclarations enthousiastes, je me souviens de ce discours prononcé il y a plus de 40 ans par un candidat à la présidence des États-Unis. Et je pose la question. Quel responsable politique de premier plan, où que ce soit dans le monde, appelle à un programme de décroissance, sans même parler de critiquer le PIB de manière aussi poétique que l'a fait Robert F. Kennedy? Je ne vois aucune preuve de progrès pour ce qui est d'amener les politiciens-politiciennes des pays riches à parler de la nécessité de contracter délibérément leur économie. En outre, c'est une erreur fondamentale de croire que les responsables politiques et le public pourraient décider ensemble de faire décroître leur économie sans connaître d'énormes conséquences négatives, en raison du fonctionnement des systèmes monétaires dans presque tous les pays du monde. Pour comprendre cette fixation généralisée sur la croissance économique, que l'on peut constater quelle que soit l'époque, les vues politiques ou les pays considérés, il faut comprendre la nature du système monétaire actuel. Dans presque tous les pays du monde, la masse monétaire est créée lorsque les banques privées émettent des prêts. Ce faisant, les banques ne prêtent pas un stock d'argent existant par ailleurs, mais créent cet argent sous la forme d'une écriture comptable sur le compte bancaire de leurs clients-clientes, en échange de la signature d'un contrat de prêt. Ces dépôts bancaires électroniques servent ensuite de moyen de paiement, dans la monnaie nationale, par le biais d'accords entre les banques privées et les différents systèmes de paiement électronique. De ce fait, les billets et les pièces de monnaie ne représentent qu'une très petite partie de la masse monétaire totale d'une économie. C'est le cas depuis de nombreuses décennies, et pourtant, les enquêtes d'opinion montrent que le grand public, tout comme la classe politique, pense à tort que ce sont les gouvernements ou les banques centrales qui créent la masse monétaire et non les banques privées. Parce que le système monétaire fonctionne de cette manière, l'économie d'un pays devra toujours croître pour que la société puisse continuer à fonctionner et ne s'effondre pas. Il y a deux raisons à cela. Le pouvoir des institutions financières sur les marchés des obligations d'État et la manière dont leur monnaie dette circule et s'accumule dans l'économie. Examinons brièvement ces deux processus. Le système monétaire actuel, dans la plupart des pays du monde, donne aux banques privées une influence décisive sur qui reçoit de l'argent et pour quel usage, et qui n'en reçoit pas. Même les gouvernements ne créent pas leur propre monnaie électronique. Au contraire, ils constituent un type de clientèle pour les banques privées qui émettent de l'argent leur permettant d'acheter ensuite des obligations d'État. Dans certains pays, les banques centrales rachètent des obligations d'État aux banques qui les ont initialement achetées ou les achètent directement au gouvernement, en particulier pendant les périodes de tension monétaire. Bien que certaines commentateurs-commentatrices considèrent les banques centrales comme faisant partie de l'État, il s'agit là d'une perception erronée. Au contraire, leur forme de détention et de gouvernance varie d'un pays à l'autre. Par exemple, un fonds souverain de Singapour possède une partie de la banque privée suisse UBS, qui possède elle-même une partie de la banque centrale suisse. Quant à la réserve fédérale états-unienne, elle est détenue par un consortium de banques privées. Il est important de noter que les gouvernements ont choisi d'émettre des obligations et de s'endetter plutôt que d'émettre leur propre monnaie numérique en tant qu'équivalent de la monnaie physique. Le choix d'une telle approche a entraîné la perte de leur souveraineté monétaire, comme il a permis au secteur bancaire dans son ensemble d'exercer une influence sur les politiques gouvernementales, en particulier sur les réglementations financières. Quand les institutions financières décident de ne pas acheter les nouvelles obligations d'un gouvernement, leur influence se révèle au grand jour. Lorsque cela se produit, le coût d'emprunt d'un gouvernement augmente, ce qui entraîne de nouveaux transferts de richesses de l'État vers le secteur financier, ainsi que des pressions pour réduire les dépenses publiques. Cela occasionne même une pression sur la monnaie nationale au niveau des marchés internationaux, ce qui entraîne alors une inflation dans le pays, avec les difficultés supplémentaires qui en découlent. Lorsque des banques privées émettent la masse monétaire sous forme de dettes, le système monétaire a besoin d'une économie en expansion permanente pour continuer d'exister. En effet, cette forme d'émission monétaire implique le paiement d'intérêts composés aux banques et un retour seulement partiel des revenus tirés de ces intérêts et ou des commissions bancaires dans l'économie sous forme de salaire et d'achat d'actifs réels. Pour cette raison, seule une augmentation continue des prêts permet de couvrir l'ensemble des besoins d'argent de l'économie. Pour que l'économie évite une diminution de l'argent disponible, qu'on appelle une récession, il y a donc un impératif d'augmenter les prêts, que l'argent obtenu de la sorte soit dépensé ou non. Et donc, l'activité économique réelle doit également croître, car les prêts doivent être accordés pour quelque chose. Il s'agit là d'une forme d'impératif de croissance monétaire découlant de la nature du système monétaire basé sur la dette, car les revenus bancaires sont, de manière compréhensible, partiellement épargnés plutôt que réinjectés. Comme les banques elles-mêmes décident qui reçoit cet argent frais et dans quel but, elles privilégient les activités qui peuvent générer un rendement avec un risque minimum. Donc, plutôt la construction de gratte-ciel que celle de ferme en permaculture. Par conséquent, l'impératif de croissance signifie que les personnes et la nature doivent être mobilisées pour servir les objectifs des banques. Cela conduit à la marchandisation et à la commercialisation de toute vie, et en raison du besoin d'argent supplémentaire pour le service des dettes, à une forte pression pour externaliser davantage de coûts vers la société. C'est cet effet que nous examinerons plus en détail au chapitre 10, car il constitue l'une des causes profondes de notre problème insoluble. Avec un système monétaire différent, un même nombre de personnes travaillant au même rythme et avec la même productivité dans le même nombre de magasins, d'usines, d'exploitations agricoles, de bureaux, de restaurants et autres lieux de travail pourraient continuer leurs activités sans interruption, même si moins de prêts étaient émis par les banques. Cependant, avec ce système monétaire basé sur la dette et contrôlé par des banques privées, si la croissance s'arrête, l'économie est perturbée par la disparition de la monnaie lorsque les prêts sont remboursés, puisque la dette constitue la monnaie en circulation. Soudain, avec moins d'argent dans l'économie, il y a moins de transactions commerciales, donc moins d'argent à gagner et moins d'emplois, et ainsi moins d'argent disponible pour rembourser les dettes, par exemple les prêts immobiliers. Il en résulte un chômage de masse, des faillites d'entreprises, des cessations de paiement, des saisies d'huissiers, des saisies hypothécaires d'immobilier, etc. C'est à cause du facteur monétaire dans l'impératif de croissance que toute possibilité d'une économie en état stationnaire cessant de croître et balayée. Craignant les effets négatifs de la récession, les responsables politiques ont peur de faire quoi que ce soit qui puisse nuire à la croissance économique. C'est pourquoi ils et elles sont obnubilés par la croissance du PIB et ne se laisseront pas détourner de cet objectif par d'autres considérations comme l'environnement. En résumé, hommes et femmes politiques n'ont d'autre choix que d'essayer d'augmenter le PIB pour éviter que leur pays n'entre en récession et ne se retrouve en situation de ruine économique. Que pensez-vous d'un tel système? Je considère qu'il s'agit d'une forme de tyrannie. Cela signifie que nous n'avons pas le pouvoir de changer la direction vers laquelle nos pays et nos communautés se dirigent. Nous devons continuer à accroître la consommation des ressources de notre pays et à travailler toujours plus dur afin de créer davantage de profits pour le système bancaire international. Cela va à l'encontre de nos inclinations naturelles et de notre capacité à vivre en meilleure harmonie avec la nature. Au chapitre 9, je reviendrai sur le sujet des sociétés traditionnelles et je reparlerai de la nature humaine au chapitre 11. Pour moi, cette situation est celle d'une privation de souveraineté comme de liberté. Parce que l'impératif de croissance monétaire exige l'accaparement, la marchandisation et l'exploitation systématique de toutes les ressources naturelles, il constitue clairement le code source de la modernité impériale contemporaine, concept que je développe au chapitre 10. Comme je l'ai montré au précédent chapitre, nous vivons en ce moment la fin des échappatoires aux contradictions du capitalisme, et ce système monétaire qui doit croître ou périr ne nous aide aucune aide. Au contraire, il empêche nos sociétés de consommation industrielle qui se désagrègent de tenter un atterrissage en douceur. Les contradictions qui nous rattrapent s'ajoutent aux pressions qui accélèrent l'effondrement inévitable de ce système monétaire dépendant de la croissance. C'est pourquoi une perspective éco-libertarienne appelle à marginaliser ou à fuir ces systèmes et à se préparer à leur effondrement. En parallèle, on promouvera des systèmes monétaires non expansionnistes, basés non seulement sur des monnaies nationales réformées émises par l'État, mais aussi sur une pléthore de monnaies communautaires. Voir les chapitres 11 et 12. Une telle perspective donne également un autre visage au changement observé dans la gestion des systèmes monétaires depuis la crise financière de 2008, sur laquelle nous allons maintenant nous pencher. Les réponses à la crise financière de 2008 ont marqué le début de la fin. La crise financière de 2008 n'est pas qu'un simple événement historique. Les décisions prises à l'époque affectent encore la vie des gens aujourd'hui, et de manière croissante, car elles sont en train de conduire à l'effondrement des systèmes bancaires et monétaires. En 2008, afin de maintenir la circulation monétaire et une demande de consommation suffisante pour les sociétés de consommation industrielle, la plupart des gouvernements des pays de l'OCDE ont choisi de fournir de l'argent directement à leur secteur financier en achetant des actifs sans valeur à des institutions financières en difficulté. Pour disposer des fonds nécessaires, ils ont également vendu davantage d'obligations. Comme il s'agissait d'un volume inhabituellement élevé de création de dettes publiques, les banques privées ont été encouragées à continuer d'acheter ces obligations avec l'appui des banques centrales qui ont soutenu ce processus en rachetant d'elles-mêmes ces obligations aux banques privées. Cela a entraîné une explosion de dettes publiques sans précédent, jetant ainsi le doute sur la capacité des gouvernements à financer leurs services publics sur le long terme. Mais cela a également permis de déconnecter le système financier de l'économie réelle. En raison des politiques d'austérité, l'économie réelle a plongé, mais cette ingénierie financière a permis au secteur financier de s'enrichir encore davantage. Cela a aussi accéléré le déclin de la participation des travailleurs-travailleuses aux bénéfices des entreprises, entamé depuis plusieurs décennies, comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre. Les banques privées disposaient déjà du privilège de générer la masse monétaire à l'échelle nationale. Mais après 2008, ce privilège s'est trouvé encore renforcé. Elles font désormais circuler l'argent frais sur le marché boursier pour faire augmenter le prix des actions. L'économie réelle, celle des industries primaires, de l'industrie manufacturière et des services non financiers, est devenue beaucoup moins importante pour les profits des banques. Ces nouvelles dispositions ont donc modifié les stratégies du secteur financier au sens large. L'évaluation des valeurs d'actions étant moins liée à l'économie réelle, la mission des gestionnaires d'actifs s'est transformée. Au lieu de se concentrer sur la sélection des actions dans lesquelles investir sur la base de paramètres fondamentaux du monde des affaires, leur rôle s'est orienté vers le simple suivi du marché boursier, tout en soutenant les efforts déployés par l'ensemble du secteur pour influencer les politiques des gouvernements et des banques centrales. C'est pourquoi, au cours de la dernière décennie, les entreprises qui se sont focalisées sur leurs capacités en matière de transactions automatisées, telles que BlackRock et Vanguard, sont devenues si dominantes. C'est également la raison pour laquelle ces firmes ont développé des relations toujours plus étroites avec les institutions de régulation et les décideurs-décideuses politiques. Par exemple, Philipp Hildebrand, ancien directeur de la Banque centrale suisse, est maintenant vice-président du conseil d'administration de BlackRock. Stanley Fischer, ancien vice-chairman de la Réserve fédérale, et George Osborne, ancien ministre des Finances du Royaume-Uni, en sont des conseillers principaux. Cette nouvelle situation dans laquelle gouvernement et banque centrale fournissent d'énormes sommes d'argent directement aux institutions financières a ouvert la porte à ce que je considère comme le plus grand scandale de corruption de l'histoire de l'humanité. Il a eu lieu au moment où la pandémie de COVID-19 a frappé. Le mécanisme clé qui l'a rendu possible a été l'achat d'obligations par les banques centrales directement auprès des grandes entreprises. En clair, les banques centrales occidentales ont versé des trillions de dollars, de livres et d'euros directement aux grandes entreprises. Ces dernières ont utilisé ces fonds pour s'enrichir en achetant des actifs étrangers, tout en appauvrissant les citoyens-citoyennes par le biais de l'inflation et en rendant les gouvernements encore plus à la merci des marchés obligataires internationaux. C'est un fait que je décrirai en détail plus loin dans ce chapitre. Mais pour comprendre une autre raison permettant d'expliquer cette réaction des banques centrales, nous devons nous pencher sur le rôle du dollar états-unien dans l'économie mondiale et les accords géopolitiques au cours des dernières décennies. Quand la géopolitique explique les politiques monétaires récentes. Le dollar états-unien représente environ 55% des réserves monétaires mondiales. C'est du fait de son statut de monnaie de réserve que le dollar est très convoité, que ce soit par des pays, des entreprises ou des personnes. Cela maintient sa valeur, même si les États-Unis continuent d'enregistrer d'énormes déficits commerciaux avec le reste du monde, à hauteur de plus d'un demi-trillion de dollars par an. Pour cette raison, le gouvernement états-unien est en mesure d'acquérir des ressources et d'influencer les politiques publiques dans le monde entier, et ses citoyens-citoyennes peuvent bénéficier d'importations bon marché. Le dollar états-unien conserve son statut parce qu'il est utilisé dans environ 90% du commerce international du pétrole. Tous les pays du monde ont besoin du dollar pour acheter la matière première la plus échangée au monde, qui reste la principale source d'énergie pour environ 40% de l'économie industrielle mondiale. Cette prédominance du dollar, tant dans les réserves de devises que dans le commerce mondial du pétrole, n'est pas le fruit du hasard. Il s'agit plutôt d'une décision géopolitique prise dans les années 1970, lorsque le président Nixon a fermé le guichet de l'or du Trésor fédéral. Cela a mis fin à la formule selon laquelle un dollar états-unien équivalait à une quantité fixe d'or. Au lieu de cela, le dollar est devenu une monnaie fiduciaire au taux de change flottant par rapport aux autres monnaies. Cette mesure a été prise pour que le gouvernement états-unien soit libre d'émettre de nouveaux dollars afin de maintenir son statut de superpuissance. La seule limite à ce système était le nombre de dollars que le reste du monde serait prêt à accepter. Pour garantir cette demande, les États-Unis ont exigé des membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, qu'ils acceptent d'effectuer toutes leurs transactions pétrolières en dollars uniquement. Désormais, le dollar n'est plus adossé à l'or, mais à l'or noir. Il y a une histoire alternative au sujet de la politique étrangère des États-Unis qui est largement évoquée dans les pays non occidentaux. Selon cette théorie, la protection de l'hégémonie du dollar est le principal facteur explicatif de la politique étrangère de ce pays. On peut la résumer comme suit. Lorsque l'euro a vu le jour en 1999, les États-Unis sont entrés en guerre contre la Serbie au Kosovo, ce qui a sapé la confiance du capital international dans le potentiel de la monnaie européenne. En 2003, après que l'Irak a annoncé qu'il vendrait son pétrole en euros, les États-Unis ont envahi le pays et le gouvernement irakien nouvellement établi a abandonné le projet. Puis, en 2019, Rosneft, le principal producteur russe de pétrole brut, a fait de l'euro la monnaie par défaut pour ses ventes de pétrole. Lorsque la Russie a envahi l'Ukraine en 2022, les États-Unis ont alors découragé tout cessez-le-feu et financé une guerre par procuration avec la Russie, ce qui a affaibli l'Europe et pourrait à terme affaiblir la Russie, même si ce n'est pas encore le cas à l'heure où j'écris ces lignes. Ces dernières années, plusieurs pays ont pris des initiatives visant à réduire leur dépendance vis-à-vis du dollar états-unien. Le plus grand exportateur de pétrole au monde, l'Arabie Saoudite, a ainsi envisagé de vendre son pétrole à la Chine en yuans, la devise internationale chinoise. Parallèlement, en 2022, un puissant groupe de nations non occidentales composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, les BRICS, a lancé un projet visant à créer une nouvelle monnaie de réserve mondiale. Ces initiatives ne traduisent pas seulement le pouvoir croissant des nations non occidentales et leur inquiétude face à la politique étrangère des États-Unis, mais aussi quelque chose de beaucoup plus élémentaire pour l'économie mondiale. La fin de l'ère de la domination du pétrole. En effet, bien que l'on s'attende à ce que ce dernier continue de jouer un rôle essentiel dans l'économie mondiale pendant les 20 prochaines années, de nombreux gouvernements partent du principe qu'après cette période, d'autres sources d'énergie l'auront remplacé en raison de politiques climatiques, de nouvelles technologies, de sa raréfaction et de son coût croissant. Dans divers pays, les responsables de la sécurité nationale ont examiné cette question dans le cadre de leurs analyses stratégiques à long terme. Lorsqu'un pays n'a pas besoin de pétrole ou d'autant de pétrole, il n'a pas besoin d'autant de dollars états-uniens. Un autre facteur tout aussi crucial, ses dirigeants, dirigeantes, savent que les autres pays n'ont, eux non plus, pas besoin d'autant de dollars. Par conséquent, la demande de dollars et donc la valeur de cette devise vont, à un moment donné, diminuer. Peut-être de façon précipitée. Je ne suis pas au fait des discussions qui se trament au sein de l'appareil de sécurité nationale des États-Unis, mais il est évident que les décideurs-décideuses étudient des options visant à s'assurer que le monde continue d'acheter les dollars émis par la Réserve fédérale états-unienne. Si cela leur paraît impossible, ils ou elles examinent également des façons de maintenir le pouvoir d'achat des États-Unis dans le monde, car c'est cela que représente concrètement l'hégémonie du dollar. La stratégie la plus évidente consisterait, pour le gouvernement états-unien et la Réserve fédérale, à tirer parti de certains atouts des grandes entreprises technologiques états-uniennes, leur clientèle mondiale et leurs infrastructures de communication. Si une monnaie numérique publique-privée appartenant aux États-Unis était introduite, le gouvernement états-unien n'aurait pas besoin que les citoyens-citoyennes du monde entier effectuent des transactions dans cette monnaie pour que celle-ci ait un fort pouvoir d'achat dans l'économie mondiale. Il suffirait d'exiger de la part de toutes les autres monnaies du monde qu'elles aient en réserve une fraction de cette monnaie publique-privée. Une option pour ce faire serait d'obliger chaque personne à posséder une monnaie de réputation pour être autorisée à effectuer des transactions dans n'importe quelle autre monnaie numérique, y compris la monnaie nationale du pays dans lequel on vit. Cela s'expliquerait probablement par la nécessité de payer une redevance pour les contrôles d'identité et de sécurité lors de chaque transaction. Et cette monnaie de réputation serait conçue de manière à ce que nous devions continuer à la gagner. Une autre option consisterait à permettre l'émission de monnaie appelée actifs tokenisés, c'est-à-dire des obligations émises par de grandes entreprises, en l'échange de la détention par ces entreprises d'une certaine quantité de la monnaie publique privée états-unienne dans une réserve fractionnaire. Depuis 2022, la réglementation évolue rapidement dans de nombreux pays en vue de permettre l'utilisation de ces monnaies. Aucun de ces deux types de monnaie ne serait une crypto-monnaie comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Il ne s'agirait pas non plus de formes de monnaie numérique de banque centrale, MNBC. Les MNBC sont aussi connus sous le terme anglophone de Central Bank Digital Currencies, ou CBDC. Quand la pandémie de Covid frappe en 2020, on évoque alors beaucoup la fin rapide de la domination du pétrole dans la géopolitique financière. Les stratèges en matière de sécurité nationale ont peut-être envisagé que nous nous dirigions vers un monde d'actifs tokenisés à l'échelle planétaire, ou vers un monde où des composites nationaux de ces monnaies porteraient le nom de la monnaie nationale, peut-être équilibrés par des monnaies de réputation nécessaires pour effectuer des transactions dans l'un ou l'autre type de monnaie numérique. Dans un cas comme dans l'autre, il y a des implications stratégiques similaires. En particulier, quel que soit le scénario, un pays bénéficierait du fait que ses entreprises nationales possèdent des actifs plus productifs dans les pays du monde entier. Il serait particulièrement utile, en outre, de détenir des participations significatives dans des entreprises technologiques des marchés émergents, gérant des plateformes de vente en ligne et des services de paiement. S'imprégner de cette géopolitique de l'argent permet de considérer sous un nouvel angle les politiques monétaires menées depuis la pandémie et donc d'envisager différemment la probabilité d'une future perturbation, voire d'un effondrement des systèmes monétaires. Selon moi, la prise de conscience de la fin de l'hégémonie du dollar adossée au pétrole doit avoir entraîné des discussions stratégiques parmi les élites de la sécurité nationale et des banques centrales. Ces élites doivent également être en train de préparer des politiques publiques opportunes et de lancer des efforts sophistiqués de relations publiques pour façonner la transition. Je n'ai pas de source directe pour appuyer cette opinion, et je la présente en tant qu'analyste externe. Mais mon argument selon lequel les élites des banques centrales envisagent l'effondrement des systèmes monétaires actuels, en raison de leur nature expansionniste qui se heurte à des limites externes et à des contradictions internes, s'est trouvé renforcé par des conversations directes que j'ai eues avec des personnes faisant partie de ce que j'appelle le pouvoir de l'argent. Un raccourci pour désigner l'ensemble des personnes, des organisations, des ressources, des normes et des règles qui maintiennent en l'état les systèmes monétaires au service des riches. Par exemple, je connais des personnes à la Banque d'Angleterre qui sont au fait des analyses présentées ici, même si elles ne l'avoueraient pas publiquement. Même si on ne tient pas compte de ces opinions d'initiés, ce serait une grave défaillance en matière de renseignement national comme de régulation monétaire si ces responsables n'évaluaient pas les conséquences possibles des contradictions et des limites que j'ai décrites dans ce chapitre et le précédent. C'est dans cette optique que les politiques monétaires téméraires qui ont été lancées en mars 2020 peuvent être interprétées de manière plus intéressante. Le capitalisme du désastre et ses impacts en période de pandémie. Depuis 2020, on assiste à un enrichissement éhonté des entreprises sous couvert d'interventions d'urgence. Les médias du monde entier vont pouvoir documenter pendant les années qui viennent le copinage et la corruption qui ont caractérisé l'attribution des contrats publics pendant la pandémie. Cependant, bien que ce fût peut-être légal à l'époque, le cas de fraude le plus important est celui concernant les décisions des banques centrales d'acheter des obligations d'entreprise. Cette politique contrevenait si manifestement à leur mandat de maîtriser l'inflation et de ne pas fausser les marchés, qu'elle appelle d'autres explications. Les médias n'en ont guère parlé. Je prendrai donc le temps d'expliquer ce qui s'est passé et pourquoi cela a entraîné toute la palette de problèmes auxquels nous avons tous et toutes été confrontés au cours des années suivantes. C'est en 2016 que l'outil de politique monétaire que nous allons examiner a été lancé par la Banque Centrale Européenne lorsqu'elle a commencé à acheter des obligations aux plus grandes entreprises de la zone euro. Au début de la pandémie, en mars 2020, elle est passée à la vitesse supérieure pour acheter des obligations d'entreprise à partir des quelques 2 000 milliards d'euros de fonds d'urgence qu'elle allait créer en réponse à la pandémie. Simultanément, la Banque d'Angleterre a commencé à acheter pour près de 20 milliards de livres d'obligations auprès de 63 des plus grandes entreprises britanniques. La Réserve fédérale états-unienne a vu plus grand en lançant un mécanisme de 500 milliards de dollars états-uniens le même mois. Pour le dire simplement, les plus grandes entreprises d'un pays donné se voyaient remettre de l'argent par une organisation qu'il avait créée à partir de rien, en échange d'un contrat stipulant que ces entreprises le rembourseraient à l'avenir. D'autres banques centrales ont suivi l'exemple de l'UE, du Royaume-Uni et des États-Unis, la Suède ayant commencé à acheter des obligations d'entreprise en septembre 2020 et d'autres ensuite. Le processus a pris une très grande ampleur. Ainsi, entre la mi-mars et le début du mois de décembre 2020, le portefeuille de titres de la Réserve fédérale états-unienne est passé de 3 900 milliards à 6 600 milliards de dollars. Le Financial Times a fait état d'un rythme effréné d'émissions d'obligations d'entreprise pour l'année suivante, suite à la nouvelle politique des banques centrales. En 2021, le marché mondial des obligations d'entreprise s'élevait à plus de 40 000 milliards de dollars états-uniens du fait des changements apportés aux politiques des banques centrales en 2020 en réponse à la pandémie. Aux États-Unis, ce nouveau mécanisme d'émission monétaire a utilisé des fonds indiciels cotés en bourse, Exchange Traded Funds ou ETF, composés d'obligations émises par diverses sociétés. Étant donné que l'argent est allé aux entreprises dont les obligations étaient incluses dans ces ETF, un rôle crucial a été joué par les institutions financières qui ont choisi les obligations des entreprises à inclure. Dans la plupart des cas, ces institutions, décidant du choix des obligations à inclure dans les ETF, possèdent des actions dans ces mêmes entreprises auxquelles elles permettent de recevoir l'argent de la Banque centrale ou du gouvernement. Il s'agit des plus grandes sociétés d'investissement au monde. C'est vraiment scandaleux, m'a confié le dirigeant d'une société de gestion d'actifs qui a refusé de s'exprimer publiquement en raison de l'influence de BlackRock à Wall Street. Je cite, BlackRock gère un fonds et décide si elle souhaite utiliser l'argent des contribuables pour acheter des ETF qu'elle gère aussi. On trouverait probablement 100 à 200 autres gestionnaires qui pourraient se charger de cette tâche, mais c'est BlackRock qui a été choisi. Fin de citation. L'effet immédiat a été que les investisseurs privés ont placé des milliards de dollars dans les autres ETF de BlackRock. Car, je cite, les investisseurs se sont précipités pour devancer les achats prévus par la Banque centrale, ce qui a montré à quel point la Réserve fédérale a déjà indirectement façonné les marchés au profit de BlackRock. Fin de citation. Il n'est donc pas étonnant que BlackRock ait fait pression sur les banques centrales en 2019 pour qu'elles adoptent l'achat d'obligations d'entreprise. La pandémie est arrivée au bon moment pour justifier une politique monétaire inédite dont elle savait qu'elle lui rapporterait énormément. En soi, ces gains injustifiés sont scandaleux, mais ils sont peu de choses comparés aux implications plus profondes de ces changements politiques en matière d'équité économique. En effet, cette brusque augmentation des achats d'obligations d'entreprise par les banques centrales, soit directement, soit en achetant des ETF composés de ces obligations, a constitué un nouveau mécanisme d'émission d'argent frais qui a entraîné toutes sortes de conséquences négatives. Avant cette ère nouvelle, le système monétaire était déjà non souverain. En effet, les banques privées supervisaient à la fois l'émission de crédit à l'économie réelle et l'achat d'obligations d'État. Cependant, ce nouvel arrangement altère radicalement le système monétaire, car les monnaies fiduciaires nationales deviennent désormais une forme de monnaie émise en partenariat avec les plus grandes entreprises. Cela entraîne des impacts profonds sur la destination de l'argent frais, que certains reçoivent et d'autres pas, sur le comportement du secteur financier au sens large et celui des entreprises qui émettent les obligations, et sur la valeur des monnaies concernées. Il en résulte un déclin inévitable des monnaies, des économies et des sociétés concernées, ainsi qu'une augmentation du risque systémique d'effondrement. Nous allons examiner cinq aspects de cette question avant d'aborder la théorie selon laquelle ce déclin est délibérément géré en pleine connaissance de cause, de telle sorte qu'il ressemble à une préparation secrète à un effondrement monétaire. Premièrement, cette situation scandaleuse génère un risque systémique d'instabilité monétaire et d'effondrement économique plus vaste, parce qu'elle consiste à subventionner des entreprises qui nuisent au climat. Bien que les banques centrales, par le passé, aient discuté des risques systémiques liés au changement climatique, elles ont abandonné ces considérations au moment d'acheter des obligations d'entreprise. Par exemple, plus de la moitié de la première tranche des fonds de la Banque d'Angleterre a été allouée à des secteurs à forte émission de carbone, notamment les compagnies aériennes, les constructeurs automobiles et les sociétés pétrolières et gazières. La deuxième conséquence néfaste de cette politique est qu'elle génère une explosion de la dette des grandes entreprises, de sorte que cette forme d'actif plutôt opaque, permettant d'échapper plus facilement à tout contrôle quant à sa gestion, s'est répandue au point de commencer à poser un risque systémique. Je cite « La gestion de la dette des entreprises, souvent appelée crédit dans le secteur, est nettement plus complexe que celle des fonds propres. Alors qu'une entreprise n'a souvent qu'un seul type de titre en circulation, ses actions, elle peut avoir des dizaines d'obligations individuelles et uniques en leur genre. Celles-ci sont influencées non seulement par la santé de l'entreprise, mais aussi par les flux et tendances plus vastes qui sont à l'œuvre au plan macroéconomique. La Fédération mondiale des bourses de valeurs estime qu'il existe environ 48 000 actions dans le monde. Mais Susip Global Service, une société qui émet des numéros d'identification pour les titres financiers, estime qu'il existe plus de 515 000 obligations d'entreprise rien qu'aux États-Unis, chacune aussi unique qu'un flocon de neige. Fin de citation. Les institutions financières ont la possibilité d'utiliser à leur propre avantage ce mélange d'opacité et de confiance provenant de l'implication des banques centrales. En effet, les fournisseurs d'ETF, dont beaucoup sont des banques d'investissement, peuvent continuer à créer de nouvelles unités dans un produit, même s'il n'y a pas vraiment assez de liquidité dans la classe d'actifs sous-jacente pour le soutenir. Cela est possible parce que les ETF sont des produits hybrides. C'est le prix de l'ETF sur le marché boursier, et pas seulement la valeur des obligations d'entreprise elles-mêmes, qui détermine la valeur de ce que vous détenez en tant qu'investisseur. Dans des conditions normales, l'émission excessive de parts d'ETF n'a peut-être pas beaucoup d'importance, mais en période de tension sur les marchés, elle pourrait causer d'énormes problèmes. Ces périodes de tension ne sont jamais très loin. Une crise peut subvenir en cas d'exubérance irrationnelle pour un actif ou pour l'ensemble du marché, permise ou favorisée par les politiques de taux d'intérêt, la propagande financière, la réglementation du marché ou l'absence de cette dernière. Il est donc important d'observer comment les acteurs du secteur ont modifié leur approche envers les obligations d'entreprise. Avant 2020, ces dernières étaient analysées comme des prêts pour savoir dans quelle mesure la société émettrice pouvait honorer sa dette. L'existence des ETF incitait déjà les institutions financières à accepter les obligations d'entreprise, à les regrouper et à les vendre. Néanmoins, on mettait tout de même l'accent sur les facteurs économiques fondamentaux caractérisant l'entreprise émettrice de la dette, parce qu'une faillite peut survenir et que le profil de risque de l'entreprise affecte le profil de l'obligation. Cependant, avec l'implication des banques centrales, le contexte change. Comme les banques centrales détiennent désormais des ETF d'obligations d'entreprise, elles soutiennent et font gonfler artificiellement toute cette catégorie d'instruments financiers. Une telle politique publique pourrait même attirer de nouvelles catégories d'investisseurs qui se sentent rassurés par le fait que la Fed, la Réserve fédérale des États-Unis, est à leur côté. C'est peut-être la raison pour laquelle, bien que la durée de vie moyenne des entreprises répertoriées dans l'indice Standard & Poor's 500 soit inférieure à 18 ans, des entreprises comme Intel ont vendu des obligations à 40 ans pour $1 milliard. Il est donc clair qu'avec l'entrée en jeu de la banque centrale, les investisseurs privés peuvent opérer dans ce secteur avec plus de confiance et donc prendre plus de risques. Ce qui nous amène à un autre type d'obligation, à savoir les obligations à haut risque ou junk bonds. Les junk bonds sont émises par des entreprises dont l'équilibre financier est précaire et qui présentent un risque élevé de se retrouver en défaut de paiement, c'est-à-dire de ne pas payer les intérêts sur un prêt ou de ne pas rembourser le principal aux investisseurs-investisseuses. Il n'est donc pas souhaitable qu'elles jouent un rôle important dans le système monétaire. Pourtant, à la mi-2021, le Financial Times rapportait que depuis le début de l'année, 373 entreprises mal notées ont emprunté sur le marché états-unien de la dette d'entreprise, qui représente près de $11 000 milliards. On compte parmi elles des entreprises durement touchées par la pandémie, comme American Airlines et l'organisateur de croisière Carnival. Collectivement, ces entreprises émettrices de dettes à haut risque ont levé $277 milliards, ce qui constitue un record ainsi qu'une augmentation de 60% par rapport à l'année précédente. Fin de citation. La troisième conséquence néfaste de cette politique est qu'elle permet aux marchés boursiers et au secteur financier de se détacher encore davantage de l'économie réelle. Je parle ici d'une partie de l'économie qui est plus réelle parce qu'elle regroupe des entreprises qui font des bénéfices en offrant aux gens des biens et des services pour lesquels il y a une demande à des prix raisonnables. Or, les gains faramineux du secteur financier accroissent les inégalités et font grimper les prix des actifs pour tout le monde. Mais le problème le plus important est que le monde financier est déconnecté de la réalité de la vie elle-même, dont l'économie réelle dépend et sur laquelle il exerce son influence. Comme nous l'avons vu dans le dernier chapitre, la croissance du secteur financier, qui représente jusqu'à plusieurs fois la taille de l'économie réelle, est la preuve d'un système en déséquilibre, que sa complexité rend improductif. Je considère comme productif les biens et services réels que nous utilisons de manière tangible, comme la nourriture ou les vêtements, plutôt que les produits financiers. Certaines personnes, en particulier les économistes et les banquiers-banquières, ne sont pas d'accord avec cette distinction et estiment que les services financiers sont tout aussi réels que n'importe quelle autre part de l'économie. Cela reflète une illusion née du pouvoir de l'argent que nous examinerons au chapitre 10. Pour prendre un exemple simple, il se peut que la société n'accorde plus la même valeur au transport aérien ou aux compagnies aériennes qu'auparavant. En leur accordant de nombreux prêts bon marché, les banques centrales aident donc les grandes entreprises à résister aux forces du marché qui reflètent le sentiment du public, qu'on appelle aussi la demande des consommateurs-consommatrices. Le quatrième effet néfaste de cette politique scandaleuse est d'accélérer l'effondrement économique en encourageant la monopolisation des marchés. Lorsqu'un secteur de l'économie est dominé par quelques entreprises ou, en fin de compte, par une seule, tout le monde perd au change, sauf les actionnaires de cette entreprise. En effet, toute entreprise en position de monopole a toujours, au cours de l'histoire, payé moins cher ses fournisseurs, facturé plus cher ses clients et payé moins cher son personnel que s'il existait un marché plus concurrentiel. Par conséquent, la monopolisation entraîne une augmentation des inégalités dans la société. Elle met aussi un terme à certaines des échappatoires aux contradictions du capitalisme que nous avons examinées au chapitre 1. C'est la raison pour laquelle les gouvernements sont intervenus dans le passé pour empêcher la formation de monopoles, mais souvent après que l'économie et la société ont subi des dommages considérables. Il n'est pas normal qu'une agence censée travailler dans l'intérêt du public facilite la création de monopoles. Pourtant, en soutenant les plus grandes entreprises par des prêts bon marché, sous prétexte de les aider à surmonter une période difficile, en réalité, les banques centrales aident ces dernières à surpasser leurs concurrents, plus petits ou moins bien connectés. Il s'agit d'une forme d'influence anticoncurrentielle qui favorise la consolidation du marché, car les plus grandes entreprises restent riches en liquidités, même en période difficile. Pendant ce temps, leurs concurrents doivent réduire leurs activités, faire faillite ou subir une prise de contrôle. Selon un article du Financial Times de 2021, je cite « Contrairement à 2020, où les entreprises se sont empressées d'obtenir des capitaux pour survivre à la récession due à la pandémie, cette année a vu des collectes de fonds plus opportunistes. En effet, les entreprises cherchent à bénéficier de faibles coûts d'emprunt sur des échéances plus longues ou à emprunter pour financer des acquisitions et des rachats d'actions, récompensant ainsi les actionnaires. » Fin de citation. Le cinquième impact de cette nouvelle forme d'émission monétaire est ressenti par chacun, chacune d'entre nous, surtout en tant que consommateur, consommatrice. L'injection massive d'argent dans le secteur des entreprises, prétendument pour maintenir leur capacité à payer salaires et fournisseurs, a un effet systémique, et ce, malgré une fourniture de biens et de services souvent en baisse pendant les périodes de confinement. Cela signifie que, cumulativement, de nombreuses personnes ont de l'argent à dépenser, mais qu'il y a moins de biens et de services sur lesquels dépenser cet argent. Les prix peuvent donc augmenter, en particulier lorsque des aspects essentiels de l'activité économique, tels que l'offre de produits de base comme l'énergie et les céréales, sont perturbés, et avec eux la logistique pour d'autres raisons. Par conséquent, l'une des principales raisons pour lesquelles l'inflation a commencé à augmenter dans la plupart des pays du monde depuis 2020 est l'achat massif d'obligations d'entreprise. En effet, une inflation inhabituelle de plus de 5% se produisait dans la majorité des économies avancées et émergentes partout dans le monde, avant l'invasion de l'Ukraine. Comme l'a noté l'économiste en chef de la Banque mondiale, la caractéristique la plus marquante de l'inflation actuelle est son omniprésence. Cela indique une cause systémique globale. Si les politiques monétaires de quelques économies occidentales ont produit un effet inflationniste mondial, cela est dû à la façon dont les monnaies interagissent. L'inflation dans les pays occidentaux est exportée dans le monde entier, notamment parce que l'augmentation de la disponibilité des devises occidentales pour acheter des produits de base échangés au niveau international entraîne une hausse des prix de ces produits, ce qui affecte tous les pays qui les importent. L'inflation est aussi exportée parce que les exportations occidentales deviennent plus chères pour les pays importateurs, à moins qu'il y ait une dévaluation des monnaies occidentales. Depuis que l'inflation s'est envolée en 2020, les journalistes financiers-financières des grands médias ont commodément oublié que c'est la politique monétaire qui détermine les niveaux d'inflation. Au lieu de cela, ils et elles ont continué à relayer des récits trompeurs selon lesquels la consommation post-confinement et les prix élevés des carburants dus au conflit entre la Russie et l'Ukraine étaient les seuls facteurs contribuant à cette situation. Le problème, lorsqu'on accuse l'invasion russe de l'Ukraine d'être à l'origine de l'inflation, c'est que celle-ci était déjà élevée dans la plupart des pays du monde, plus d'un an avant que l'invasion ne se produise. Par ailleurs, le prix du pétrole était exceptionnellement bas en 2020, et en moyenne, pas particulièrement élevé en 2021. Pour mémoire, entre fin 2010 et 2014, le prix du pétrole fluctuait autour de 100 dollars états-uniens le baril. Pourtant, L'inflation mondiale chutait tout au long de cette période, passant d'environ 4,5% en 2011 à 2% en 2015. Expliquer l'inflation par un rebond de la demande des consommateurs-consommatrices après la crise du Covid est problématique, car le PIB mondial en 2022 était de toute façon inférieur au niveau auquel on aurait pu s'attendre s'il n'y avait pas eu ces perturbations au cours des deux années précédentes. Enfin, imputer la hausse des prix des denrées alimentaires au changement climatique est tout aussi douteux. En effet, malgré des problèmes localisés, l'année 2021 a été assez bonne pour la production céréalière mondiale. Les perspectives futures de la production industrielle de céréales pour les marchés d'exportation sont préoccupantes en raison de la dégradation de l'environnement et du contexte géopolitique, comme nous le verrons au chapitre 6. Mais cela n'a pas eu d'incidence sur les prix en 2021. La position adoptée par les grands médias sur les causes de l'inflation leur a permis de présenter les fonctionnaires des banques centrales comme de vaillants, vaillantes, technocrates tentant de la juguler. Selon le discours en vogue, ces fonctionnaires, le cœur lourd et forcés de s'adapter à une situation dont il ou elle n'était pas responsable, devaient prendre des décisions difficiles concernant les taux d'intérêt, entraînant l'appauvrissement de la population ainsi que des coupes dans les services publics. On peut imaginer ce qui aurait pu se passer si les grands médias avaient annoncé, de manière plus éclairée, que la pandémie avait servi de prétexte aux principales banques centrales du monde pour aider les plus grands investisseurs et entreprises de leur pays à acquérir des actifs internationaux, aggravant ainsi la situation de la majorité des habitants-habitantes de leur pays. Tâchons d'expliquer les tenants et aboutissants de cette situation. Le futur, entre déclin des monnaies fiduciaires et ruée néocoloniale. Ce que les journalistes économiques ne nous ont pas dit, c'est que, sous le couvert de la pandémie, les banques centrales occidentales ont donné des milliers de milliards de dollars, de livres et d'euros directement aux grandes entreprises. Ces dernières ont utilisé ces fonds pour acheter des actifs étrangers, ce qui les a enrichis, tandis que l'inflation appauvrissait les gens comme vous et moi. Étant donné que les entreprises qu'elles ont financées n'avaient pas besoin de ces liquidités pour rester à flot, les explications publiques fournies par les banques centrales pour justifier leurs actions n'ont pas de sens. Alors, pourquoi ont-elles fait cela? La temporalité est suspecte. En effet, les banques centrales sont des institutions conservatrices qui évaluent différentes possibilités avant de déployer ou d'intensifier un nouveau programme de financement. Cependant, elles ont mis en place ces programmes dès le début des confinements. L'achat massif d'obligations d'entreprise devait forcément avoir été une mesure préparée de longue date. Cela ne signifie pas que les banques centrales savaient qu'une pandémie allait survenir, qu'elles souhaitaient des mesures de confinement ou qu'elles avaient quelque chose à voir avec ces événements, mais qu'un programme politique et des outils correspondants étaient déjà prêts à être déployés. Leur véritable raison devait être d'une importance stratégique capitale, car il était évident que ces mesures créeraient de l'inflation et donc contreviendraient à leur principal mandat officiel. Ces mesures fausseraient également les marchés en procurant un avantage injuste aux grandes entreprises favorisées, et elles impliqueraient que les banques centrales abandonnent leur propre politique de gestion des risques environnementaux systémiques, car elle financerait des entreprises produisant des combustibles fossiles. Une façon d'explorer les raisons qui les ont poussées à agir de la sorte est de suivre l'argent. En d'autres termes, il s'agit de savoir ce que les entreprises ont fait des liquidités qu'elles ont reçues des banques centrales. Une nouvelle étude révèle que bon nombre des entreprises qui ont reçu ces nouveaux fonds se sont lancées dans une frénésie d'achat à l'échelle mondiale. Rien qu'en 2021, les entreprises états-uniennes ont dépensé 506 milliards de dollars sur des fusions et acquisitions à l'étranger. leurs dirigeants, dirigeantes, savaient que les capitaux qu'ils ou elles détenaient perdraient leur pouvoir d'achat relatif en raison de la création d'une énorme masse monétaire par les banques centrales. Il fallait donc agir rapidement. Historiquement, jamais on n'a constaté pareille frénésie. Les entreprises occidentales se sont emparées de biens immobiliers et d'entreprises dans le monde entier. Les décisions politiques des banques centrales ont eu pour effet d'aider les dirigeants dirigeantes d'entreprises et leurs actionnaires à rivaliser dans une course mondiale aux actifs étrangers au détriment de leurs citoyens citoyennes qui s'appauvrissent en raison d'une inflation élevée. Ce processus peut être considéré comme une ruée néocoloniale vers les entreprises et le territoire numérique dans le monde entier. Pourquoi avoir fait cela, au vu des dommages que cela causerait au niveau de vie de leurs propres concitoyens-concitoyennes? Selon le rapport Global Trends 2040 du National Intelligence Council des États-Unis, la concurrence pour l'influence mondiale s'intensifie rapidement. Quel meilleur moyen pour accroître l'influence de son pays à l'échelle mondiale que de détenir une plus grande part de l'économie et des terres par l'intermédiaire de ses plus grandes entreprises? Peut-être les risques pesant sur la monnaie nationale et le niveau de vie des citoyens-citoyennes sont-ils considérés comme acceptables par une technocrate anticipant la fin de l'ordre monétaire mondial? Un facteur déterminant, les élites occidentales savent que l'ère de l'hégémonie du dollar adossée au pétrole va toucher à sa fin au cours de la prochaine décennie, et avec elle, les moyens actuels par lesquels les États-Unis mobilisent des ressources dans le monde entier. Acquérir un maximum de ressources mondiales avant le déclin probable du dollar états-unien serait donc logique, de ce point de vue. En outre, certaines experts, expertes des banques centrales savent que l'avenir des monnaies nationales n'est plus aussi sûr qu'autrefois, en raison de leur dépendance envers l'expansion de la dette à un moment où l'humanité est en train de dépasser les limites environnementales de la planète. Dans cette optique, ces experts expertes ne négligeraient pas l'avantage de s'appuyer sur le pouvoir d'achat de leur monnaie, tant qu'il est encore temps, pour acquérir des actifs dans le monde entier. Cela leur garantirait la possibilité de continuer à extraire les ressources à l'échelle planétaire, même si des monnaies comme le dollar, l'euro et la livre n'avaient plus autant de pouvoir d'achat. Cela renforcerait également le pouvoir de leurs entreprises internationales favorites avant que ne soient signés de nouveaux accords monétaires qui pourraient être basés sur des monnaies de réputation ou des paniers d'actifs tokenisés émis par les entreprises. Il est important de reconnaître que les gouvernements nationaux ont toujours considéré leurs plus grandes entreprises, qu'elles soient ou non entièrement à capital privé, à la fois comme des vecteurs et des justifications de leur politique étrangère. De ce point de vue, les entreprises du Royaume-Uni et d'Europe ont été désavantagées dans cette course néocoloniale en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine qui a dévalué la livre et l'euro et a frappé les cours des actions de leurs principales multinationales. Mais il s'agit là d'une préoccupation mineure pour ces entreprises, comparée à l'implosion possible des monnaies et des banques dans les années à venir. Les cadres supérieurs du secteur privé savent que si les entreprises du monde financier sont bien préparées, l'effondrement du système peut générer des profits exceptionnels et inattendus pour les autres acteurs financiers individuels. Certains de ces acteurs ont le pouvoir de faire advenir le moment de l'effondrement de tel ou tel système financier. Par conséquent, lorsque certains d'entre eux seront suffisamment bien préparés, ils pourront choisir soit d'essayer de faire s'effondrer ce système, soit de lire certains signaux comme des indications d'un effondrement systémique et de faire en sorte de rendre ce dernier plus dévastateur. Étant donné que seules les personnes et les organisations du monde financier disposent d'une telle capacité d'action, il n'est pas possible de dire quand le système s'effondrera. Peut-être même est-ce déjà programmé. vers une réappropriation du pouvoir monétaire? La finance nous est présentée comme un système rigide, régi par des règles du jeu qu'il faut respecter. Néanmoins, un examen plus approfondi de ce qui s'est passé ces dernières années révèle que ces règles sont tout à fait flexibles lorsque la flexibilité profite aux élites. Ces règles ne sont donc qu'un voile masquant un pouvoir de classe. Même si certaines banques et monnaies vont rapidement décliner ou s'effondrer dans les mois ou les années à venir, cela ne signifie pas que le système de pouvoir qui organise la finance mondiale va s'effondrer. Pas encore. Au contraire, il est probable que nous assisterons à des effondrements de systèmes monétaires qui auront été planifiés par les élites financières, conscientes de la fin de l'ère du dollar adossé au pétrole, ou conscientes des implications d'un système monétaire expansionniste qui se heurte à des limites environnementales et des contradictions internes, comme expliqué au chapitre 1. Selon moi, les nouvelles méthodes d'assouplissement quantitatif des achats d'obligations d'entreprise par les banques centrales pendant la pandémie vont accélérer la chute prochaine du système de monnaie fiduciaire. Ces mesures s'expliquent le plus logiquement du monde en tant que tactique de géopolitique financière si l'on part du postulat que les élites chargées des questions de devises et de sécurité nationale anticipe la disparition des accords monétaires actuels. En effet, si ces politiques publiques peuvent être vues comme destinées à enrichir les décideurs, décideuses et leurs cercles sociaux et professionnels, elles leur offrent également une couverture stratégique contre l'effondrement prochain des systèmes monétaires. Cette couverture implique l'acquisition rapide d'actifs étrangers afin de maintenir un certain pouvoir économique dans un futur régime monétaire. C'est une véritable ruée néocoloniale. Je suis conscient que ma conclusion, à savoir que ces politiques ont été mises en place par les banques centrales pour se préparer à la disparition probable des systèmes monétaires existants, est inhabituelle, tant dans le domaine des études économiques que dans celui du journalisme. L'une des implications de cette conclusion est qu'à l'avenir, nous devons faire de la réappropriation de notre pouvoir monétaire le cœur de nos programmes politiques et de notre activisme. Chapitres 10 et 12. Le manque d'attention des principaux médias à l'égard de ce processus et de ses conséquences s'explique, selon moi, par leur déférence profondément enracinée vis-à-vis des élites bancaires. Quant aux économistes mainstream, ils et elles n'examinent pas les systèmes monétaires sous l'angle de la justice économique. Au chapitre 7, j'expliquerai comment le manque croissant d'informations et de dialogues sur ce qui se passe réellement est un aspect et un moteur de l'effondrement sociétal. Nous ne gagnons rien à la surmarchandisation des médias qui se déroule à l'ère de l'Internet. Mais avant cela, il nous faut constater les fissures croissantes dans les fondations biophysiques réelles des sociétés modernes, sur lesquelles reposent tous les arrangements monétaires et économiques. Pour commencer, dans le chapitre 3, examinons l'énergie.